Seigneur notre Marie-Marie, après que l'imam a fait des louanges pour Dieu et a demandé des prières pour son passé, son camp son endroit pour aller au Seigneur, il nous a recommandé la piété. Il a dit, je parle du piété dans la lumière, sans racine dans le cœur, et qui est confirmé par la pratique quotidienne, et qui mène vers la proximité de Dieu, et qui mène aussi vers le suivi de son prophète, prière et salut sur lui. Dieu dit, vraiment, si vous m'aimez, suivez, et si vous aimez Dieu, suivez-moi, et Dieu vous aimera et absoudra vos péchés. Mohammed, prière et salut sur lui, a été élu par Dieu subhanahu wa ta'ala dans l'univers entier. Une fois, il a appelé par miséricordieux et il est plein de compassion et miséricordieux à l'égard des croyants. Et une deuxième fois, il a appelé comme clémence, miséricorde même. Il lui a dit, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les univers. Une miséricorde pas pour les musulmans, pas pour les croyants, mais pour tout le monde, pour les humains, pour les animaux, et pour la matière immobile, une miséricorde même à l'égard de ses ennemis. Lorsque ses ennemis lui ont fait beaucoup de mal et ont fait beaucoup de mal à ses compagnons, il a levé ses mains vers le ciel pour dire au Seigneur, oriente mon peuple vers le droit chemin parce qu'ils sont des ignorants. Et lorsqu'ils ont frappé à ses pieds et l'archange Gabriel est venu pour lui dire au messager de Dieu, voici l'ange des montagnes qui te demande une prière contre ton peuple et il va les écraser avec les deux chaînes montagneuses. Il a dit, je demande à Dieu de faire sortir de ces gens, c'est-à-dire les mécréants de la Mecque, des gens qui vont adorer uniquement Dieu. Et Dieu a exaucé cette prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à partir d'un prochain, le plus grand ennemi du prophète a fait sortir son fils Ikrima, que Dieu soit satisfait de lui. Le musulman, normalement, doit porter cette clémence dans son cœur pour l'univers entier. Une clémence, une miséricorde, d'abord pour soi-même. Dieu dit dans un verset coranique, « Ô mes serviteurs qui ont trop surchargé leur âme, ne désespérez pas de la clémence de Dieu. Dieu absout tous les péchés. C'est lui l'absoluteur et miséricordieux. » Le musulman doit être miséricordieux à l'égard de son épouse, à l'égard de ses enfants. Il doit enraciner dans leur cœur l'attestation de foi qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu. Le musulman doit renforcer des liens, avec sa famille, les liens sacrés de parenté avec sa famille qui expriment cette miséricorde. Il doit être aussi miséricordieux à l'égard de ses voisins. Il doit être miséricordieux avec ses amis, avec son directeur dans le travail, avec les gens du pays dans lequel il vit. Il doit être miséricordieux même à l'égard des animaux. Le prophète prière et sage lui dit qu'une femme qui faisait beaucoup de prières, qui faisait beaucoup de jeûnes, mais malgré tout cela a emprisonné une chatte sans la laisser se nourrir à l'extérieur et sans lui donner la nourriture, a été parmi les gens de l'enfer à cause de cette action vers l'animal. Et le prophète sallam dit qu'une autre femme qui était une prostituée parmi les enfants d'Israël et dans un jour de soif a repéré un chien assoiffé et elle a donné de l'eau au chien et Dieu, grâce à cette clémence, l'a fait entrer au paradis. Donc regardez l'importance de la clémence envers l'animal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les miséricordieux, Dieu sera miséricordieux à leur égard. Soyez miséricordieux envers les gens de la terre et celui qui est dans le ciel sera miséricordieux à votre égard. Et lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu faire des éloges au prophète prière et sagesse, il lui a dit, il n'a pas dit au prophète, certes, tu as une bonne langue arabe, c'est-à-dire tu parles très très bien l'arabe. Il n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu as une grande science. Non, il lui a dit, certes, tu jouis d'une excellente excellente morale, une morale très haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit: je ne suis envoyé que pour parfaire la noblesse de la morale. Au lieu de dire: je suis envoyé pour vous faire sortir des ténèbres vers les lumières. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné la clémence et la morale. Dans le cas où les lumières de l'unicité s'enracinent dans le cœur d'un musulman, certes, il va chercher la satisfaction de Dieu. Il va chercher à ce que Dieu soit satisfait de lui. Lorsqu'il est en colère, il se rappelle du verset coranique: et ceux qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent aux gens, et Dieu aime les bienfaisants. Lorsque les musulmans ont émigré vers des pays non musulmans, ils ont émigré avec leur haute morale. Et lorsqu'ils sont partis vers l'Indonésie ou la Malaisie ou l'Afrique centrale, ces gens ont connu, ou les habitants de ces pays ont connu, il n'y a aucune divinité à part Dieu à travers le comportement de ces musulmans. Et ils ont embrassé l'islam sans combat et uniquement avec le comportement qu'avaient ces musulmans. Ils ont su avec certitude que le musulman ne ment jamais. L'empereur byzantin, lorsqu'il a interrogé Abou Soufiane, qui était à l'époque encore mécréant: est-ce que vous avez expérimenté un mensonge sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Abou Soufiane, le mécréant, a répondu: non, jamais il n'a menti. Et l'empereur byzantin lui a donné cette réponse: celui qui n'a jamais menti à l'égard des gens de la terre ne peut pas mentir à l'égard de Dieu, ou le Dieu qui se trouve dans le ciel. Aux nations, aux communautés de messagers du ciel, comment êtes-vous donc avec les gens de la terre? Mon frère ou ma sœur, est-ce que tu mens pour un euro lors d'un achat du monde? Est-ce que les gens de la terre vont croire à votre message, vont croire à votre religion lorsqu'ils savent que vous êtes des menteurs? L'empereur byzantin a posé une deuxième question: est-ce que l'un des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam abandonne sa nouvelle religion, l'islam? Abou Soufiane, qui était toujours encore mécréant, a répondu: non. Même après les châtiments qu'on leur réservait, ils ne quittaient pas la religion d'islam. Et l'empereur byzantin a dit: c'est ainsi la foi juste ou la foi véridique qui se trouve dans le cœur. Avec votre comportement islamique vis-à-vis d'un conducteur de bus, vis-à-vis d'un conducteur de taxi ou un vendeur, celui-ci, ou avec un voisin français, celui-ci, lorsqu'il va connaître ou reconnaître que vous n'êtes pas des tricheurs parce que vous êtes musulman, vous n'êtes pas des menteurs parce que vous êtes musulman, il sera apaisé toujours lorsqu'il rencontre un musulman ou une musulmane. Il va dire: au moins celui-ci ne triche pas, au moins celui-ci ne ment pas. Et ils vont vous connaître, et toute la France va vous connaître comme des gens sincères, comme des gens véridiques, non tricheurs, et non pas des menteurs. Et personne dans le monde ne peut combattre des gens qui ont leur foi bien enracinée dans leur cœur. Abou Jahl, après le châtiment qu'il a réservé à beaucoup de musulmans dans la Mecque au début de l'islam, le jour de sa mort, le jour de la bataille de Badr, un musulman lui a posé cette question: Abou Jahl, est-ce que vraiment pour toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un menteur ou bien un véridique? Et Abou Jahl, pharaon, le pharaon de cette nation d'islam, a dit: Mohammed est un véridique, est un authentique, jamais il n'a menti. Comment il va mentir pour Dieu ou pour les gens du ciel? Et le musulman lui dit: et pourquoi le combattez-vous donc s'il est sincère, s'il est véridique? Il a dit: ça c'est une autre affaire, c'est une affaire seulement de jalousie, parce qu'il appartient à une autre tribu, et moi j'appartiens à une autre tribu, et de leur tribu il y a eu l'émergence d'un prophète, et dans notre tribu jamais il y aura un prophète. prophète, c'est pour ça que je mène ce combat contre lui. Alhamdulillah.